إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Nous allons commencer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala à traiter un sujet important. Ce sujet est si important que l'on en a besoin tous les jours de notre vie, à chaque instant, à chaque moment où on respire. Et c'est sûr, les invocations et les rappels. Donc c'est tiré d'un livre du Cheikh Abdul Razak al-Abbad Hafdhahullah. Et l'intitulé de ce livre est Fiqh al-Ad'iyat wal-Azkar. Il est composé de 4 tomes. Et chaque tome possède environ 55 dars ou 55 chapitres. Et c'est un livre aussi donc, dont vous pouvez retrouver les audios en arabe dans le site de Cheikh Hafdhahullah Azza wa Jal. Il y a aussi le Muqaddima, une introduction de l'ancien mufti, Cheikh Abdelaziz ibn Baz, Rahmatullah alayhi, Rahmatan wasi'a. Donc nous allons commencer avec le chapitre 1, dont l'intitulé est l'importance du rappel et ses bienfaits ou ses vertus, ses valeurs. Donc nous résumons donc qu'il est clair que chaque musulman sait et connaît l'importance du rappel ainsi que les bénéfices qu'il y a en retirer. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a énormément mentionné le rappel dans son Coran, dans son livre qui est le Coran, lorsque il nous a ordonné de l'invoquer, aussi il nous a incité de l'invoquer. Et il nous a aussi loué lorsqu'on l'invoque. Allah dit dans Surat Al-Ahzab, verset 41, يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الجيت سي سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الجيت سي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الجيت سي والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Donc voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc c'était dans Sourate Al-Ahzab, verset 41, « Oh, ceux qui croient, invoquez abondamment Allah. » Donc ici, il y a un ordre. Et d'invoquer, il y a aussi le comment. Abondamment. Et aussi Allah dit, lorsque vous avez terminé vos rites, rappelez-vous d'Allah comme vous vous rappelez de vos parents, et même plus encore. Et même plus encore. Donc en vérité, invoquez Allah et rappelez-vous d'Allah abondamment. Quand est-ce? Lorsqu'on a terminé nos rites. Lorsqu'on a terminé nos rites, et cela était venu pour le rite du Hajj. Et ça, c'est Surat al-Baqarah, verset 200. Et Allah dit aussi, et ceux qui se rappellent d'Allah, debout, assis et sur leurs flancs. Surat Al-Imran, verset 191. Encore une fois, on voit une situation. C'est-à-dire le fait, mathan. Donc on peut comprendre que c'est à tout moment. Qu'on soit debout, qu'on soit en voiture par exemple, ou assis, ou qu'on soit allongé avant de dormir. Donc on sait qu'il y a des rappels du matin, des rappels du soir, des rappels du coucher, il a khiri. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, ceux et celles qui invoquent Allah abondamment, énormément, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Un pardon et une énorme récompense. Donc voici le résultat, ce qu'il y a en vérité à gagner dans ce rappel. C'est d'être pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala et d'être énormément récompensé. Pourquoi Allah nous demande d'invoquer et de se rappeler de lui énormément? C'est qu'en réalité, on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps. Matin, midi et soir. Dans toutes les situations. On ne peut pas se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que le moment du clignement de l'œil. Et celui en réalité qui délaisse cela le regrettera. Celui qui délaisse cela le regrettera le jour dernier. Et bien sûr, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut œuvrer au fils d'Adam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est, où on le retrouve dans Shu'ab al-Iman de l'Bayhaqi, ainsi que dans le Hilya li Abi Nu'aym ou Aisha al-Mu'minin Aisha radiyallahu anha qalat. Donc elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma min sa'atin tamurru bi ibn Adam la yadhkuru Allah ta'ala fiha illa tahassara 'alayha yawm al-qiyamah. Et c'est un hadith qui est bon, qui a été donc Hassanahu al-Albani rahmoullah. Donc chaque heure qui passe chez le fils d'Adam et qu'il ne se souvient pas, qu'il ne se rappelle pas d'Allah, ce sera un regret, une source de regret pour lui le jour dernier. Cette heure, imaginez-vous une heure, juste une heure, passée, sans que l'on se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une source de regret pour nous le jour dernier. Non. Et il y a bien sûr énormément de preuves de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer l'importance des invocations. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah et Al-Hakim, avec une chaîne de transmission qui est authentique, où Abu Darda rapporte: قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأسكاها عند مليككم وأرفع وأرفع في درجاتكم خير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam: n'est-ce pas que je vais vous annoncer le meilleur de vos actes, le plus pur auprès de votre Seigneur, de votre Roi, le plus élevé en degré, le plus élevé de vos degrés, est meilleur pour vous que le fait de donner de l'or et de l'argent, est meilleur pour vous aussi que vous rencontriez vos ennemis alors que vous allez frapper leurs coups et ils frapperont vos coups. Ils ont dit: bien sûr, ou envoyé d'Allah. Il a dit le rappel d'Allah. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Sabaka al-mufarridun. Qalu wa ma al-mufarridun ya Rasulallah. Qala al-dhakirun Allah kathira wa al-dhakirat. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam: on devançait al-mufarridun. Et dire: qu'est-ce que le Mufarridoun, ou envoyé d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam: ceux et celles qui se rappellent énormément d'Allah, qui se rapprochent beaucoup d'Allah. Et c'est un hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Et l'imam al-Bukhari rapporte que Abu Musa al-Ash'ari a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et de celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est l'exemple du vivant et du mort. Voyez la comparaison. La personne qui ne se rappelle pas d'Allah est morte. La personne qui se rappelle d'Allah est vivante. Et il y a bien sûr énormément de hadiths qui prouvent cela, qui prouvent et qui montrent en vérité cela en âme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, a dit, et il mentionne ceux qui rappellent, lorsqu'il va mentionner donc ce qu'il va leur donner, lorsqu'il dit: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans surat Sajda, verset 17. Chaque âme ne connaît pas ce qui lui a été caché, hein, de ce qui est bon pour les yeux, en récompense de ce qu'il faisait. En récompense de ce qu'il faisait. Et bien sûr, c'est vis-à-vis des invocations d'Allah Azzawajal en premier lieu. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala possède énormément de bénéfices. Parmi ces bénéfices, c'est qu'il rejette Shaitan. Il le rend faible. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ. Donc celui en réalité qui délaisse et qui s'éloigne et qui ne se rappelle pas du miséricordieux, hein, donc celui qui se rappelle, qui s'éloigne du rappel du miséricordieux, nous allons lui donc infliger un shaitan et il lui sera un ami. Et il lui sera en vérité un proche. Il lui sera quelqu'un qui va l'accompagner. Donc celui qui ne se rappelle pas d'Allah, Shaitan prend la place. Prend la place, Naam. Allah le délaisse et Shaitan prend la place. Et aussi, dans surat Az-Zukhruf, Afwan. Donc c'était donc ici, c'était donc ce verset-là était dans surat Az-Zukhruf, verset 36. Et dans surat Al-A'raf, verset 201, Allah dit: Inna alladhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru idahum mubsirun fa idahum mubsirun. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala, donc ceux qui ont cru, ceux qui ont craint, Afwan, ceux qui ont craint, lorsque Shaitan vient à les toucher, lorsque donc ils sont affligés par Shaitan, ils s'en souviennent, tadhakkaru. Ils se rappellent d'Allah, et ceux-là bien sûr sont les clairvoyants. Ils sont les clairvoyants, car ils savent réellement qu'en vérité le se rappel d'Allah ce matin-là éloigne Shaitan, l'expulse. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a même montré que cela était pour les envoyer avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths rapportés par l'imam Ahmed, Tirmidhi et Al-Hakim, avec une chaîne de transmission qui est authentique, où Al-Harith Al-Ash'ari rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah subhanahu amara Yahya ibn Zakariya bi khamsi kalimat an ya'mala biha wa ya'mura bani Israila an ya'malu biha wa innahu kada an yubti'a biha faqala lahu Isa عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم قال يحيى أخشى أن سبقني بها أن أخسف بي أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن إلى آخر الحديث. Donc on voit que dans ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a ordonné à Isa, à Yahya, Ibn Zakaria, cinq paroles. Qu'il les mette en pratique et qu'il ordonne les enfants d'Israël à, bien sûr, mettre en œuvre ces cinq paroles. Et il allait les délaisser. Donc il retardait à faire cela. Il allait donc les délaisser. Donc Isa a dit, certes Allah t'a ordonné cinq paroles afin que tu les mettes en pratique et que tu ordonnes les enfants d'Israël afin qu'eux aussi qu'ils mettent en œuvre cela. Alors où tu leur ordonnes, où je le fais. Donc Yahya lui a dit, j'ai peur ou je crains que si je le fais, donc je sois châtié. Que si je fais cela, donc je sois châtié. Donc il a rassemblé, hein, il a peur, c'est-à-dire il a eu peur que si, en vérité, sabaktani biha, c'est que Afwan, que si toi Isa, tu le fasses avant moi, alors que ça a été ordonné chez moi, et c'est toi qui vas le faire à ma place, qu'en vérité que je sois donc ou aspiré, hein, par la terre, ou bien que je sois châtié. Il a donc rassemblé les gens à Beit al-Maqdis. La mosquée était pleine. Et les gens se sont assis sur les tapis. Et il a dit, certes Allah m'a ordonné cinq paroles afin que je les mette en pratique et que je vous ordonne de les mettre en pratique. Et il leur a ordonné donc ces cinq paroles qui sont At-Tawhid, l'unicité, As-Salat, la prière, As-Siyam, le jeûne, As-Sadaqa, l'aumône. Et puis il a mentionné la cinquième. Donc voyez ici, vis-à-vis du rappel d'Allah, il dit donc, et je vous ordonne de vous rappeler d'Allah. Car cela est comparable à une personne qui sort alors que son ennemi est sur ses traces, en toute vitesse, en rapidité, jusqu'à ce qu'il se réfugie dans la forteresse. Et il s'est protégé de cet ennemi. Et cela, c'est comme, et c'est comparable au serviteur. Il ne pourra pas se protéger de Shaitan que par le rappel d'Allah. Que par le rappel d'Allah. Voyez la condition qui est en vérité donc obligatoire. Que par le rappel dans l'âme. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah dit que ce hadith il est très important. Il est adim. Il est énorme. Important. Et il faut que chaque musulman l'apprenne. Et l'accroche s'il le faut. Afin de le lire tout le temps. Naam. L'accrocher, bien sûr, c'est afin de le lire tout le temps. Donc voyez l'importance des hadiths, hein, et des preuves de la prophétie authentique sur l'importance de la vocation et du rappel. Naam. Et lorsque la personne, bien sûr, elle fait cela, elle est loin de Shaitan. Et on le voit bien dans Surat An-Nas, Al-Waswasu, Al-Khannas. Celui qui est appelé Al-Waswas ou Al-Khannas, donc ce shaitan, qui vient insuffler les mauvaises paroles, les mauvaises choses. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il se sauve, il te délaisse, il te laisse terminer l'œuvre. Lui, il t'insuffle, il te pousse à faire, et après il part, tout simplement. Et toi, tu démarres avec cela et tu ne t'arrêtes pas. Naam. Et où il va bien sûr insuffler? Il va insuffler dans les poitrines de l'homme. Et ce rappel va dégager. Il va rejeter ce qu'il y a, bien sûr, de cette poitrine. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Abbas, Ibn al-Abbas, radiallahu anhu, m'a dit « Al-Shaytanu jathimu ala qalbi ibn Adam, fa'ida saha wa ghafara waswas, fa'ida dhakra Allah ta'ala khanas. » Donc, Ibn al-Abbas, radiallahu anhu, m'a dit « Shaytan, il est en vérité accroché au cœur de chacun des fils d'Adam. Et s'il est distrait, hein, donc si en vérité il est distrait, il vient mettre son ouswous, son waswas, c'est-à-dire qu'il vient en vérité insuffler les mauvaises choses. Et s'il se rappelle d'Allah, khanas, il disparaît, il part, il devient furtif. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre le mal de shaitan. Naam. Subhanakallah bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.